avez fait le bonsoir, le grand mot Pao. Demoiselle qui devient madame, ton destin s'appelle ton mari. Comme toi la fille de ta mère, le chouchou de ton papa. Tu es belle, rayonnante, tu as choisi l'homme de ta vie. Devant Dieu, tu l'as choisi en âme et conscience. Tu es belle, rayonnante, tu as choisi l'homme de ta vie. Devant Dieu, tu l'as choisi avec ton cœur. Oui, c'est qui tweet. Louis est un king, il t'a choisi pour être sa queen. La femme de sa vie, sa nouvelle maman. Laissons-les s'aimer, laissons-les convoler. En juste noce, laissons-les se marier. L'amour est plus fort que les béton du viaduc. Ils ne doivent pas la personne, ils ont Dieu avec eux. Ils ont aussi la bénédiction des parents. Laissons-les devenir un, ils en ont fait le choix. Dieu est avec eux, Dieu les a unis. Qui peut s'opposer à la volonté divine? Aïe, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont déterminés. Ils sont beaux, ils sont doux, ils sont déterminés. Taisons-nous à jamais, comment sais-tu? À l'église et devant Monsieur le maire. Aimez-vous toujours, jusqu'à la fin de vos jours. Vivez-vous, vivez-vous. Ce garçon se connaissent, et des fois les qualités, mais sans veiller, qu'on aime pas et être heureux. Aujourd'hui dans la ville, jour des soirs, la date d'aujourd'hui, mémorable, le jour du bonheur de mademoiselle, chance de monsieur le boss. Aoussa, Aoussa, Aoussa, Aoussa, Aoussa. Sont nombreux dans nos pays, envoyés par l'ONU. Leur mission s'appelle Peacekeeping. Mademoiselle jeune mariée, nous ici tous unis, nous te confions une mission dans la maison de votre donneur. Cette mission s'appelle Lovekeeping. Quant à toi, le beau gosse jeune marié, nous te savons et demi-dieu. Mais dans la maison conjugale, nous te confions une mission. Ta mission à toi s'appelle Faithfulness Keeping. Pour tes enfants, sois un papa responsable. Et pour ton couple, sois un marié pratiquant. Aimez-vous, jeune marié, au-delà de la folie. Pardonnez-vous, quelle que soit la faute, nul n'est parfait. Toujours tolérance et la nuit, amour, toujours. Amour, Juma Jai, amour, Jai, Marie, chanson de Marie, parcou sur le midi. Joseph Bertier, allez-vous nous laisser, vous suivez comme un bon.